Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig est né en 1881 à Vienne. Il aura vu glisser sa ville de Vienne et sa vie de l'élévation spirituelle et culturelle la plus haute à la décadence morale et à l'échec. Zweig fuit le nazisme et s'exile à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre testament d'un monde qui n'est plus, celui de la sécurité et du progrès. Livre témoignage sidéré d'un Européen face à ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. En 1942, Stefan Zweig se suicide, précisément au lendemain d'avoir posté le manuscrit du Monde d'hier à son éditeur. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Premier épisode, le monde de la sécurité. Si je cherche une formule commode qui résume l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale dans laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant « C'était l'âge d'or de la sécurité. » Tout, dans notre monarchie autrichienne, presque millénaire, semblait fondé sur la durée, et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Les droits qu'il octroyait à ses citoyens étaient scellés par acte du Parlement, cette représentation librement élue du peuple, et chaque devoir déterminé avec précision. Notre monnaie, la couronne autrichienne, circulait en brillantes pièces d'or et nous assurait ainsi de son immutabilité. Chacun savait combien il possédait ou combien lui revenait, ce qui était permis ou défendu. Tout avait sa norme, sa mesure et son poids déterminé. Qui possédait une fortune pouvait calculer exactement ce qu'elle lui rapportait chaque année en intérêt. Le fonctionnaire, l'officier, trouvait dans le calendrier l'année où il était assuré de bénéficier d'une promotion ou de partir en retraite. Chaque famille avait son budget bien établi. Elle savait ce qu'elle aurait à dépenser pour le vivre et le couvert, pour les voyages estivaux et la représentation. En outre, on prenait inévitablement la précaution de réserver une petite somme pour les imprévus, pour les frais de maladie et les soins du médecin. Qui possédait une maison la considérait comme le foyer assuré de ses enfants et petits-enfants. Une ferme ou un commerce se transmettait de génération en génération. Alors que le nourrisson était encore au berceau, on déposait déjà dans la tirelire ou à la caisse d'épargne une première obole en vue de son voyage à travers l'existence, une petite réserve pour l'avenir. Tout, dans ce vaste empire, demeurait stable et inébranlable à sa place. Et à la plus élevée, l'empereur, un vieillard. Mais s'il venait à mourir, on savait, ou on pensait, qu'un autre lui succéderait et que rien ne changerait dans cet ordre bien calculé. Personne ne croyait à des guerres, à des révolutions et à des bouleversements. Tout événement extrême, toute violence paraissait presque impossible dans une ère de raison. Dans cette touchante confiance, où l'on était sûr de pouvoir entourer sa vie de palissades sans la moindre brèche par où le destin eût pu faire irruption, il y avait malgré tout la sagesse rangée et toute la modestie des conceptions de vie qu'elle supposait. Une grande et dangereuse présomption. Le XIXe siècle, dans son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu'il se trouvait sur la route rectiligne et infaillible du meilleur des mondes possibles. On considérait avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, comme une ère où l'humanité était encore mineure et insuffisamment éclairée. Mais à présent, il ne s'en fallait plus que de quelques décennies pour que les dernières survivances du mal et de la violence fussent définitivement dépassées, et cette foi en un progrès ininterrompu et irrésistible avait véritablement, en ce temps-là, toute la force d'une religion. On croyait déjà plus en ce progrès qu'en la Bible. et cet évangile semblait irréfutablement démontré chaque jour par les nouveaux miracles de la science et de la technique. Et en effet, à la fin de ce siècle de paix, une ascension générale se faisait toujours plus visible, toujours plus rapide, toujours plus diverse. Dans les rues, la nuit, au lieu des pâles luminaires, brillaient des lampes électriques. Les grands magasins portaient des artères principales jusque dans les faubourgs leur nouvelle splendeur tentatrice. Déjà, grâce au téléphone, les hommes pouvaient converser à distance. Déjà, ils volaient avec une vélocité nouvelle dans des voitures sans chevaux. Déjà, ils s'élançaient dans les airs, accomplissant le rêve d'Icare. Le confort des demeures aristocratiques se répandait dans les maisons bourgeoises. On n'avait plus à sortir chercher l'eau à la fontaine ou dans le couloir, à allumer péniblement le feu du fourneau. L'hygiène progressait partout, la crasse disparaissait. Les hommes devenaient plus beaux, plus robustes, plus sains depuis que le sport trempait leur corps comme de l'acier. On rencontrait de plus en plus rarement dans les rues des infirmes, des goitreux, des mutilés, et tous ces miracles, c'était l'œuvre de la science, cet archange du progrès. D'année en année, on donnait de nouveaux droits à l'individu. La justice se faisait plus douce et plus humaine. Et même le problème des problèmes, la pauvreté des grandes masses, ne semblait plus insoluble. Avec le droit de vote, on accordait à des classes de plus en plus étendues la possibilité de défendre leurs intérêts par des voies légales. Sociologues et professeurs rivalisaient de zèle pour rendre plus saine et même plus heureuse la vie des prolétaires. Quoi d'étonnant, dès lors, si ce siècle se chauffait complaisamment au soleil de ses réussites et ne considérait la fin d'une décennie que comme le prélude à une autre meilleure encore. On croyait aussi peu à des rechutes vers la barbarie, telles que des guerres entre les peuples d'Europe, qu'aux spectres et aux sorciers. Nos pères étaient tout pénétrés de leur confiance opiniâtre dans le pouvoir infaillible de ces forces de liaison qu'étaient la tolérance et l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières des divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu'ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tout le genre humain. Maintenant que le grand orage l'a depuis longtemps fracassé, nous savons de science certaine que ce monde de sécurité n'était qu'un château de nuées. Pourtant, mes parents l'ont habité comme une maison de pierre. Jamais une tempête, ni même un courant d'air un peu violent, n'ont fait irruption dans leur existence chaude et confortable. Il est vrai qu'ils jouissaient d'une situation particulière contre les assauts du vent. C'étaient des gens aisés qui, peu à peu, devinrent riches et même très riches. Et dans ce temps-là, on pouvait se fier à la fortune pour calfeutrer murs et fenêtres. Leur genre de vie me paraît si typique de cette bonne bourgeoisie juive qui a donné à la culture viennoise tant de valeurs essentielles et qui, en récompense, a été complètement exterminée, qu'en relatant leur existence paisible et silencieuse, je livre en réalité un récit tout impersonnel. 10 ou 20 000 familles ont vécu à Vienne, comme mes parents, dans ce siècle des valeurs assurées. Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. C'est justement parce que, depuis des siècles, la monarchie, l'Autriche, n'avait plus fait valoir d'ambition politique ni connu de succès particulier dans ses entreprises militaires, que l'orgueil patriotique s'y était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L'Empire des Habsbourg, qui avait dominé l'Europe, avait vu depuis longtemps se détacher de lui ses provinces les plus importantes et les plus prospères, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes. La capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la cour, conservatrice d'une tradition millénaire. Accueillante et douée d'un sens particulier de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates. Elle les détendit, les assouplit, les apaisa. La vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque citoyen de cette ville recevait d'elle une éducation qui transcendait les limites nationales, une éducation cosmopolite, une éducation de citoyen du monde. Cet art de l'assimilation, des transitions insensibles et musicales, se manifestait déjà dans la structure extérieure de la ville. Il était merveilleux de vivre dans cette ville hospitalière, qui accueillait tout ce qui venait de l'étranger et se donnait généreusement. Il était plus naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé de sérénité, comme à Paris. Vienne était, on le sait, une ville jouisseuse. Mais quel est le sens de la culture, sinon d'extraire de la matière brute de l'existence, par les séductions flatteuses de l'art et de l'amour, ce qu'elle recèle de plus fin, de plus tendre et de plus subtil. L'adaptation au milieu, au pays dans lequel ils vivent, n'est pas seulement pour les Juifs une mesure de protection extérieure, mais un besoin intérieur. Leur aspiration à une patrie, à un repos, à une trêve, à une sécurité, à un lieu où ils ne soient pas étrangers, les pousse à se rattacher avec passion à la culture du monde qui les entoure. Et, si l'on excepte l'Espagne du XVe siècle, jamais cette symbiose ne s'opéra de façon plus heureuse et plus féconde qu'en Autriche. Établie depuis plus de 200 ans dans la ville impériale, les Juifs y rencontrèrent un peuple de mœurs faciles et d'humeur conciliante qu'habitait sous cette apparente légèreté le même instinct profond des valeurs esthétiques et spirituelles si importantes pour eux-mêmes. Ils rencontrèrent même plus à Vienne. Ils y trouvèrent une tâche personnelle à remplir. Au cours du siècle passé, le culte des arts avait perdu en Autriche ses gardiens et protecteurs traditionnels, la maison impériale et l'aristocratie. Tandis qu'au XVIIIe siècle, Marie-Thérèse chargeait Gluck d'enseigner la musique à ses filles, que Joseph II discutait en connaisseur avec Mozart des opéras de celui-ci, que Léopold III composait lui-même, les empereurs qui vinrent ensuite, François II et Ferdinand, ne s'intéressaient plus du tout aux beaux-arts. Et notre empereur François-Joseph, qui, à 80 ans, n'avait jamais lu ni même pris entre ses mains aucun autre livre que son annuaire militaire, allait jusqu'à déclarer à l'égard de la musique une profonde antipathie. Pareillement, la haute aristocratie avait renoncé à exercer son protectorat. C'en était fini des temps glorieux où les Esterházy hébergeaient chez eux un Haydn, où les Lobkowitz, les Kinski et les Waldstein rivalisaient à qui donnerait dans son palais la première exécution des œuvres de Beethoven, où une comtesse Thun se jetait à genoux devant le grand démon pour qu'il veuille bien ne pas retirer de l'opéra son Fidelio. Déjà Wagner, Brahms, Johann Strauss ou Hugo Wolf ne trouvèrent plus auprès d'eux le moindre appui. Afin de maintenir les concerts philharmoniques à leur ancien niveau, il fallut que la bourgeoisie sautât sur la brèche. Et ce fut justement l'orgueil et l'ambition de la bourgeoisie juive de paraître là au premier rang afin de maintenir dans son ancien éclat la renommée de la culture viennoise. Les Juifs avaient toujours aimé cette ville et s'y étaient acclimatés de toute leur âme. Mais seul leur amour de l'art viennois leur permit de sentir qu'ils avaient pleinement acquis droit de cité, qu'ils étaient véritablement devenus des Viennois. Ils exerçaient par ailleurs dans la vie publique une influence assez limitée. L'éclat de la maison impériale reléguait dans l'ombre toutes les fortunes des particuliers. Les hautes positions dans la conduite de l'État se transmettaient de père en fils. La diplomatie était réservée à l'aristocratie, l'armée et les fonctions civiles les plus élevées aux vieilles familles. Et les Juifs ne cherchaient d'ailleurs pas du tout à se pousser ambitieusement dans ces cercles privilégiés. Avec tact, ils respectaient comme allant de soi ces privilèges traditionnels. Je me souviens, par exemple, que mon père évita toute sa vie de dîner chez Sacher, non par économie, car la différence par rapport aux autres grands hôtels était ridicule, mais par ce sentiment naturel des distances à respecter. Il lui eût paru pénible ou inconvenant de s'asseoir à la table voisine de celle d'un prince Schwarzenberg ou Lobkowitz. Ce n'est que vis-à-vis de l'art que tout le monde à Vienne se sentait un droit égal, parce que l'amour de l'art passait pour un devoir de toute la communauté. Et par la façon dont elle a aidé et favorisé la culture viennoise, c'est une part immense que la bourgeoisie juive a prise à son développement. Les Juifs constituaient le véritable public. Ils remplissaient les théâtres, les salles de concert. Ils achetaient les livres, les tableaux. Ils visitaient les expositions. Ils étaient partout. Avec leur compréhension plus mobile et moins liée par la tradition, promoteurs et champions de toutes les nouveautés. Presque toutes les grandes collections d'œuvres d'art au XIXe siècle avaient été constituées par eux. Presque toutes les recherches artistiques avaient été rendues possibles par eux. Sans l'intérêt stimulant que la bourgeoisie ne cessait d'accorder à ces choses, et compte tenu de l'indolence de la cour, de l'aristocratie et des millionnaires chrétiens qui préféraient consacrer leur argent à leurs écuries de chevaux de course et à leurs chasses plutôt qu'à l'art, Vienne serait restée aussi en retard sur Berlin dans le domaine artistique que l'Autriche demeurait en retard sur l'Allemagne dans le domaine politique. Quiconque à Vienne voulait imposer une nouveauté, comme l'hôte étranger qui cherchait à être compris et à se gagner un public, en était réduit à s'adresser à cette bourgeoisie juive. La seule fois où l'on essaya, au temps de l'antisémitisme, de fonder un théâtre national, il ne se trouva ni auteur, ni acteur, ni public. Au bout de quelques mois, ce théâtre national s'effondra lamentablement. Et cette tentative avortée illustra cette vérité. Les 9/10 de ce que le monde célébrait comme culture viennoise au XIXe siècle avaient été favorisés, soutenus, voire parfois créés par la société juive de Vienne. Car dans ces dernières années, justement, comme en Espagne avant un naufrage aussi tragique, les Juifs de Vienne étaient devenus productifs dans le domaine des arts. Non pas d'une manière spécifiquement juive, mais par un prodige d'harmonisation avec leur milieu. En donnant au génie autrichien, au génie viennois, son expression la plus intense. Partout, savants, virtuoses, peintres, régisseurs, architectes et journalistes juifs s'affirmèrent en occupant de hautes positions, les positions les plus élevées, sans qu'on songeât à les leur contester dans la vie spirituelle de Vienne. Par leur amour passionné de cette ville, par leur volonté d'assimilation, ils y étaient parfaitement adaptés et ils étaient heureux de servir la gloire de l'Autriche. Ils voyaient là une mission à remplir dans le monde et, il faut le répéter dans l'intérêt de la vérité, une bonne part, sinon la plus grande, de ce que l'Europe, de ce que l'Amérique admirent aujourd'hui en musique, en littérature, au théâtre, dans les arts appliqués, comme étant l'expression d'une renaissance de la culture viennoise, a été créée par les Juifs de Vienne. En se défaisant de leur caractère spécifique, ils atteignaient à un très haut accomplissement de l'élan millénaire qui les portait vers le spirituel. Une énergie intellectuelle qui, pendant des siècles, n'avait pas trouvé sa voie, se liait à une tradition déjà un peu lasse. Elle la nourrissait, la ranimait, l'exaltait, la rafraîchissait par l'apport d'une force neuve et grâce à une activité infatigable. Seules les prochaines décennies montreront le crime qu'on a commis contre Vienne en s'appliquant à nationaliser et à provincialiser par la violence une ville dont l'esprit et la culture consistaient justement dans la rencontre des éléments les plus hétérogènes, dans son caractère supranational. Car le génie de Vienne, génie proprement musical, a toujours été d'harmoniser en soi tous les contrastes ethniques et linguistiques. Sa culture est une synthèse de toutes les cultures occidentales. Vivre et laisser vivre, disait la célèbre maxime viennoise. Une maxime qui, encore aujourd'hui, me paraît plus humaine que tous les impératifs catégoriques. Et elle s'imposait irrésistiblement à tous les milieux. Riches et pauvres, tchèques et allemands, chrétiens et juifs, vivaient en paix malgré quelques taquineries occasionnelles. Et même les mouvements politiques et sociaux étaient dépourvus de cette haine atroce, legs empoisonnée de la Première Guerre mondiale, qui s'est introduite dans le sang de notre époque. Dans la vieille Autriche, on se combattait avec des procédés chevaleresques. Il est vrai qu'on s'injuriait dans les journaux et au Parlement, mais après leur tirade cicéronienne, les mêmes députés se retrouvaient amicalement autour d'une table. buvant de la bière ou du café et se tutoyant. Même quand Luger, chef du parti antisémite, fut nommé bourgmestre, rien ne changea dans les relations entre particuliers. Et je dois personnellement reconnaître que ni à l'école, ni à l'université, ni dans le monde littéraire, nul ne m'a jamais suscité le moindre embarras ou témoigné le moindre mépris parce que j'étais juif. La haine entre les pays, les peuples, les couches sociales ne s'étalait pas quotidiennement dans les journaux. Elle ne divisait pas encore les hommes et les nations. L'odieux instinct du troupeau, de la masse, n'avait pas encore la puissance répugnante qu'il a conquise depuis dans la vie publique. La liberté d'action dans le privé allait de soi, à un point qui serait à peine concevable aujourd'hui. On ne méprisait pas la tolérance comme un signe de mollesse et de faiblesse, on la prisait très haut comme une force éthique. Car le siècle où je suis né et où j'ai grandi n'était pas un temps de passion. C'était un monde ordonné aux stratifications claires et aux transitions tranquilles, un monde sans hâte. Elle a eu la bonne part, cette génération de mes parents et de nos grands-parents. Elle a vécu une vie paisible, droite et claire d'un bout à l'autre. Et cependant, je ne sais si je les envie. Car ils ont vécu leur existence somnolente comme au-delà de toutes les vraies amertumes, des perfidies et des forces de la destinée, comme en passant au large de toutes les crises et de tous les problèmes qui broient le cœur, mais qui aussi l'élargissent prodigieusement. Enveloppés dans le cocon de leur sécurité, de leur fortune, de leur confort, combien peu ils ont su que la vie peut être démesure et tension. Cela peut nous surprendre éternellement et nous arracher à tous nos gonds. Dans leur libéralisme et leur optimisme touchant, combien peu ils ont soupçonné que le jour qui commence à poindre à la fenêtre peut briser notre vie. Même dans les nuits les plus noires, ils ne pouvaient concevoir en rêve combien l'homme peut devenir redoutable, mais aussi combien il a de force pour affronter les dangers et surmonter les épreuves. Nous, jetés à travers tous les rapides de l'existence, nous, arrachés à tout enracinement, nous qui recommençons à partir de rien chaque fois que nous sommes acculés à une impasse, nous, victimes mais aussi serviteurs volontaires de puissances mystiques inconnues, nous, pour qui le bien-être est devenu une légende et la sécurité un rêve puéril, nous avons éprouvé dans chacune des fibres de notre corps la tension d'un pôle à l'autre et le frisson de l'éternelle nouveauté. Chaque heure de toutes nos années était liée aux destinées du monde. Dans la souffrance et dans la joie, nous avons vécu le temps de l'histoire bien au-delà de notre petite existence, tandis que ceux-là se confinaient en eux-mêmes. Ainsi, chacun d'entre nous, même le plus humble de notre génération, en sait aujourd'hui mille fois plus sur les réalités de l'existence que le plus sage de nos aïeux. Mais rien ne nous a été donné gratuitement. Ce que nous avons acquis, nous en avons payé le prix entier dans la monnaie qui a cours aujourd'hui. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stéphane Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Premier épisode, Le monde de la sécurité. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Arminghe. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.